sur Belize. Plié comme ton dernier Ferrari, ouais. La foudre frappe le haut de la pyramide. J'arrive en casque intégrale sur la zig. Donc imagine, mama vita. Sur la zika, donc imagine, mamacita.